les armes sont prêtes, il est temps. Que je voie des têtes tomber, les grandes gueules se fermer, les langues se couper. J'suis ni un justicier, non, ni une brute épaisse, mais juste une ordure de la pire espèce. Les forces sur m'a mis en pièces. J'kiffe tellement plus les chiens que les humains. J'crois que j'en suis devenu un nécro affairé, j'ai méré avec ceux de ma meute. Sortir la chair entre mes dents d'une proie féroce ou neutre. Ferme ta gueule, j'veux plus t'entendre. Mon son c'est pour les déranger, casse-toi si tu veux te détendre. Et nique-toi si t'as l'intention de te défendre. Éduque-toi si t'as l'intention de nous méprendre. J'vais apprendre les crânes si vite pour les remplir de mes vers. Les vides, évacuer la merde liquide. Restez lucide, j'essaye, mais dur au milieu d'attaques qu'on vit pour perdre le contrôle de mes nerfs. J'viens réanimer les fantômes de mes rêves, le démon de tes cauchemars, la raison de tes pertes. Libérer la prison de mes pensées, le plancher immaculé ressent la présence de mes spectres. J'viens réanimer les fantômes de mes rêves, le démon de tes cauchemars, la raison de tes pertes. Dans le noir, j'entasse mes mots dans ma teuté, comme des cadavres dans un fossé. Je stoppe les palabres d'un coup de fouet. Je tourne en rond comme un requin qui sent le sang d'un naufragé. J'ai plus de raison de me calmer, tellement pour m'enflammer. Le chemin vers la paix, beaucoup trop tard pour l'entamer. J'suis dans un désastre depuis des années. Toi dans les astres, un délire existentiel sans arrêt. Je contemple la terre, toi le ciel te baie. T'es inutile, tu capes comme une pute dans un clip de rap. Il est temps qu'on fasse saigner les oreilles, plier les genoux que les démons se réveillent. Plus de garde-fou, j'ai jamais eu besoin de vos conseils. Votre vision, je m'en fous, je me suis fait sans vous. J'viens distribuer des hématomes, des pierres, des épées dans la chair, du poison dans les vers. Lacérer le cerveau de tous ces muets, qu'ils ressentent la violence de mes vers. J'viens réanimer les fantômes de mes rêves, le démon de tes cauchemars, la raison de tes pertes. Libérer la prison de mes pensées, le plancher immaculé ressent la présence de mes spectres. J'viens réanimer les fantômes de mes rêves, le démon de tes cauchemars, la raison de tes pertes. Dans le noir j'entasse mes mots dans ma teuté, comme des cadavres dans un fossé. Ma plume a chuté, j'exécute mon premier contrat.